qui était le best avant. Tu crânais, aujourd'hui rédige ton testament. Ex la force qui ne cesse de calmer les enflammés, cap du sage, mais ose. Tu finiras sur les roses quand je pose. Mec, justifie ma prose. Entends-tu, je cause. Y'a un mari où je dose. 6 x 2, comeback sur puis ça s'arrose. Dangereux, mène le jeu, y'a pas mieux pour mettre le feu, ouais. J'pose un truc qui sonne, qui un rebat trip carton. Le but plein de style, je donne quand je m'exprime. Pour tous ceux qui friment, ceux qui font de la terrible, je deviens chasseur de primes. And I wanna kill you, I wanna fight you. Au microphone, laisse. Pour tous les vrais, je suis comme un anti-stress. Et pour les faux, je reste une vraie punition. Car sur le beat, je suis blindé de lyrics, blindé de munitions. Je tiens ma position, solide comme rock. S'il faut, je bloque. Fuck, tiens, mais dis-moi ce qui choque. Stop, mec, cesse de jouer, enlève ton masque. Pense, mec, demain, yo, c'est toi qui casse. Hey boy, change de route avant que je shoot. C'est ta dernière chance, après tant pis, plus rien à foutre. Pour moi c'est clair, net, y'aura pas de répit. Pour toi c'est clair, mec, j't'envoie une tapis. J'aime la cloche, yo, fais gaffe, j'ai moche, yo. Quand j'approche, yo, mets dans les poches, yo. Méfie-toi de moi, reste en garde, vois. J'viens pour toi. I wanna kill you, I wanna fight you. Because I am crazy. I'm gonna kill you, I wanna fight you. Because I am crazy. I'm gonna kill you, I wanna fight you.